À Macabru, à la fontaine del Verger. À la fontaine del Verger, où l'herbe est verse, juste le gravier, à l'ombre d'une fuse d'humédière, un aisiment de blanches fleurs et de nouvelles jeunes costumières, trouvées, sous-là, ses compagnies, celles que nous volent comme sous-lats. Ce fut une zèle à son corps belle, fille d'un seigneur de Castel. Et quand elle cugeait que l'auselle y fait son joy et la verdure, et per deux sermines nouvelles et qu'entendesse mon favel, tost, li fut sous affaires canjats. Dels ois pleurait jusqu'à la fonte, et del corps suspirait préun. Jésus disait la rey del monde, per vous mi creis ma grande douleur, car vos anta mi coufun, car le meilleur de toutes soun vous van servir. Mas à vos plats. À vous s'en va, les meus amis, les belles, les gens, les prus, les rics. Sai, mais reman le grand destrix, le désir est souvent le plus. Ai, mal à fourre, les ouix, que fait les mans et les présix, parce qu'elle dolce, mais elle corps entrats. Quand elle a aussi desconurtar, vers l'évengui, juste le rio clair. Belle fimeu! Per trop plurar a la cara et coulous, et ne vous cal désespérar que celle que fait le boss foulia vous pot donar de joy à sats. Seigneur, disait-la, ben nous cré que Deus haja de mi merce en l'autre seigle per jassé, comme à sats d'autres pecadours. Mas sai, mi tolla que la rec un joyce mi crec, mas pauc mi te, que trop ses demi alunyats.